Salut Zachro, c'est le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Tester Alpha. John. Non. Non, c'est Arcade. Hey, c'est Bucky. I don't know. Pour le podcast de Zachro, nous sommes l'édition du 4 février 2014. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Nous allons bien. Nous autres, ça va, moi, ça va très bien, parce qu'on a quand même un nouveau membre des Accros des Jeux qui s'est joint avec nous, ceci depuis une semaine, mais on fait l'annonce officiellement ce soir. On vous présente Joe, tout simplement Joe. Salut Joe! Bonjour! Comment tu vas? Très bien. Écoute Joe, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu vas faire dans Accros des Jeux. Bon, pour la cour des jeux, moi je vais être chroniqueur. Je ferai pas de vidéo en tant que telle, mais je vais m'arranger pour faire un article au moins aux 2 semaines sur le site. Ça va être des critiques complètes, soit ça ou des éditoriaux sur les trucs que j'aime. Okay. Si vous voulez, j'ai déjà un article écrit sur le site web en ce moment, qui parle de Pathfinder. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez-y. Donnez-moi vos commentaires, si vous avez des questions, des commentaires, whatever, n'hésitez pas à envoyer des messages sur la page en question, puis je vais faire attention pour les lire, puis je vais m'améliorer avec ça. Donc c'est ça. Parle-nous un peu de toi, quel genre de gamer tu es, toi? Quel genre de gamer que je suis? Je suis quelqu'un qui est très indie game, je suis quelqu'un qui est très RPG et jeux de tir en général. J'ai été un très grand fan de tout ce qui est jeux horreur. J'en fais beaucoup moins ces temps-ci parce que j'ai pas beaucoup de temps avec le travail. Mais ouais, c'est ça, RPG, indie games, jeux de tir, jeux d'horreur, c'est pas mal le gros là, de quoi que je joue ces temps-ci. Là. Mais toi, t'as quelque chose de plus que nous tous, tu travailles dans l'industrie aussi. Ouais, ça fait 8 ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai commencé comme testeur chez une petite compagnie à Saint-Adèle spécialisée dans les tests de jeux vidéo. Puis là, ça fait 3 ans que je travaille pour une boîte bien connue à Montréal, que je nommerai pas pour éviter les problèmes. Et non, fait que le mauvais côté de la médaille, c'est sûr, il pourra pas commenter certaines nouvelles, on le comprend et on va le respecter amplement. C'est en effet. Le choix, parce qu'il a signé un papier. Ouais, les fameux NDA sont très importants dans l'industrie, j'ai pas envie de perdre ma job. Non, c'est sûr. En avoir déjà signé un dans ma vie, je comprends comment on a les mains serrées. Yep. Oui, monsieur. Mais écoute, je pense que la personne qui est en haut de toi est très très contente que tu fasses partie des accros des jeux. Alors, félicitations, et si jamais vous avez des questions à y poser pendant le podcast, vous pouvez également l'inscrire, si vous êtes live et nous écoutez live directement sur YouTube en ce moment, vous pouvez écrire des questions et on va probablement les répondre durant le podcast. Je vais faire mon possible pour les répondre. Ok, et qu'est-ce que vous avez joué cette semaine? Est-ce que vous avez eu du temps pour jouer dernièrement? Non. Oui? Ben oui. Oui. On va commencer avec Antithèse, qu'est-ce que tu as joué dernièrement? Écoute, je partage mon temps. Écoute, je partage mon temps entre Endless Frontier, Zelda Link Between Worlds que je suis à veille de finir et Mirror Edge sur PlayStation 3. Ok. Arcade Retro de ton côté? Je me suis amusé à revisiter Dead Island qui est en spécial genre gratuit ou genre gratuit. Oui, genre gratuit. C'est un excellent prix. Puis j'allais le redownloader quand j'ai remarqué, m'a pas prendre 4 gigs dans mon disque dur, je pense que je l'ai dans ma librairie. Fait que j'allais le ressortir, puis j'ai recommencé à jouer, puis oui, c'est super le fun. Juste un gamer de ton côté, est-ce que tu as eu le temps de jouer? Oui, puis j'ai commencé Walking Dead saison 2 sur Xbox 360, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, puis là j'attends patiemment l'épisode 2 parce que j'ai hâte de continuer l'histoire, c'est quasiment plus fun que la série. Puis j'ai commencé à leveler tous les scalanders que j'ai pas levelés. Puis bon, là je regarde la liste, puis je suis le tabarnak, quand je vais finir ça aussi. Ma blonde m'aide une chance. Puis on est rendu à lever 4 Canada par soir là, parce que c'est assez long. Puis, t'as l'autre pour ta tête. Ouais. Pas chouette. Qu'est-ce que tu veux? Puis j'ai joué Maximum Carnage Genesis. Puis c'est ça là. Ok. Et Joe, de ton côté? Attends un peu, c'est bon, j'ai eu un petit bug. Moi, de mon côté, j'ai joué à Wildstar la semaine passée au grand complet. J'ai un accès à la bêta, donc j'ai commencé à faire un petit peu de fun là-dessus. Mais sinon, fin de semaine, je suis tombé dans l'enfer de Rogue Legacy. J'ai joué toute la fin de semaine. Je pense que j'ai fait un 7 heures consécutives dimanche. Là. C'est une vraie drogue, ce jeu-là. On est désolé pour toi, en passant. Très mais c'est une bonne perte de temps. Je suis correct avec ça. De mon côté, on a eu Antithèse qui est venu faire un petit tour vendredi. Et on a fait une petite partie de Super Mario 3D World avec Trinity, Antithèse et Marilyn. Et c'était vraiment le fun. On a trippé beaucoup. Sinon, par ça, j'ai joué à. Qu'est-ce que j'ai joué? Excusez-moi, j'ai essayé en Epic sur Wii U. Un petit jeu indie qui est sorti sur la Wii U où on interprète un gars qui joue à Donjons et Dragons qui se ramasse soudainement en allant aux toilettes dans un château hanté avec des tonnes de bébites à tuer. Et c'est pas pire, mais je suis un peu déçu du jeu. Probablement je vais vous faire une critique un jour. Et sinon, je suis tombé dans Hearthstone grâce à la bêta ouverte. J'adore, sérieusement. Mais je pense que c'est parce qu'ils m'ont donné une carte très boostée déjà en partant que ça m'aide énormément à gagner. J'ai reçu la carte de Onyxia, puis à chaque fois que j'ai réussi à sortir, je gagne la game, je sais pas pourquoi. C'est qu'elle torche des culs. Donc d'après ça, en quelque sorte, t'as triché. Non, ça triche pas, j'ai reçu la carte. C'est comme si j'avais ouvert un paquet, puis ils m'avaient donné Onyxia, puis... Ben, c'est une carte rare, fait que veux pas... Je gagne. La chance est en toi, Big Ben. Ouais, quand même. Certains ont la force, toi, tu as la chance. Ok, ça se peut. Ça se peut, garde. Moi, je pense pas que c'est de la chance. Je pense plus que c'est de la stratégie, parce que veux pas... tu peux avoir le meilleur deck du monde, si tu joues comme un pied, ben, c'est sûr que ça va mal sortir. Non, c'est vrai. Bon, fait que on a marqué des nouvelles? Bien sûr. Ouais. Commencer. Avez-vous écouté le Super Bowl en fait, semaine, ça? Non, absolument pas. Tabarnouche, on est tout en train de se faire. Non, c'est supposé. Le Super Bowl? Mais est-ce que vous avez écouté les publicités du Super Bowl? Ah oui, c'est quoi ça, le Super Bowl, Ben? C'est une affaire avec la raquette, hein? C'est une grosse balle. Juste une affaire, genre, que 1 million de personnes sur la planète écoutent chaque année, tu sais. C'est une grosse toilette, la Super Bowl. Pas important, le Super Bowl. Non, c'est un club de danseuse. C'est de bouffer un cochon, être avec des amis, puis voir les pubs, les performances. Puis manger des ailes de poulet. Et manger des ailes de poulet, bien dit. Bon, mais ça, tu peux faire ça n'importe quand dans l'année. Bon, c'est juste plus le fun de le faire avec le Super Bowl. Okay. Ça donne une raison de prendre du poids. Ah, c'est ça, ouais. Ça justifie le mal de tête le lendemain au travail. Faudrait que j'essaye. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais moi, il y a une publicité en particulier, je voulais vous jaser, c'est la publicité de Radio Shack. Ah oui. Ah, écœurant, ouais. Elle est tout simplement épique comme publicité. Qu'est-ce qui se passe dans cette publicité-là? Ben, c'est les années 80 qui appellent chez Radio Shack pour dire « on s'en vient chercher tout notre stock ». Et c'est véritablement les années 80 qui arrivent. Quand je vous dis qu'il y a à peu près 80 personnages des films, des séries télé, de toutes des années 80 qui s'en viennent dans le magasin pour dévaliser, c'en est drôle. Puis le nombre de références qu'il y a, c'est somptueux. C'est génial. C'est tout simplement génial. Tu vois Deron Partant, t'as Hulk Hogan avec Jason Voorhees, avec Chucky. Comment ils sont allés chercher toutes ces licences-là? C'est tous des produits qui appartiennent à des compagnies différentes. Là. Ils sont allés chercher comme 100 licences différentes pour une pub de 30 secondes. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du Super Bowl. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du Super Bowl. Il paye cher. Il paye très cher. Ouais. Solide. Ben, il paye déjà cher pour la pub, mais encore plus, aller chercher tous des produits licenciés. Ouais. Mm-hmm. Radio Shack, quand même, on s'entend pour dire que c'est pas la plus grosse compagnie... en Amérique, là. Ben, c'est ça qui m'a surpris. C'est la... C'est Chris, c'est petit. Ben, petit. Petit. Non, Radio Shack, c'est quand même gros. C'est au Canada, c'était acheté par la source, c'est sûr. Ben, je ne sais pas. Je pensais que la source, c'était une division de Radio Shack. Moi, j'ai comme lu dans un article que c'est la source, Nowhere, qui a acheté Radio Shack, bon, plus qu'il y a des Radio Shack ici au Canada. Bah, ça se peut, mais... Ben, tu vois dans la pub, les Radio Shack là-bas, c'est rendu quasiment des Apple Store. Là, je me dis, est-ce qu'ils ont pas vu qu'est-ce qu'ils ont fait ici, tu sais? Non, c'est ça. C'est la même scrap qui nous passe, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu rentres dans le magasin, chez la source, là, pis t'as cochonneries partout, ou ben, genre, ils vont te vendre une affaire 100$ plus chère que si tu vas, par exemple, chez Future Shop ou chez Best Buy, mais c'est quand c'est le temps d'être le Boxing Day ou le liquidation de stock, par exemple, ils te font un prix de malade. Là, ils te passent leur vieille scrap. Ouais, mais la vieille scrap, tu payes comme 3$ pour une affaire qui en valait, mettons, 20 ailleurs, tu sais. C'est la journée qu'ils font leur profit pour toute l'année au complet. C'est ça. Fait que, non, juste pour vous dire que c'était... si vous n'avez pas encore vu cette publicité-là, là, allez la voir, c'est vraiment hot. C'est vraiment la pub de Radio Shack 80s. Vous tapez ça dans YouTube, vous allez la retrouver, c'est vraiment hot. Puis poignez l'annonce de 1 minute. C'est vraiment 1 minute de long, puis il y a du référence à tour de bras, c'en est vraiment cool. Autre nouvelle, hey, donnez-moi un chiffre approximatif de combien de GTA 5 ont été vendus. Oh mon dieu, la dernière fois, c'est exemplaire. La dernière fois, on s'est approché du milliard, mm-hmm. Je me sens. Wow, pas un milliard d'exemplaires. Non. Wow. Tout le monde sur Terre a deux copies. Déjà. Non. Par contre, non. Le format de un milliard d'argent amassé, PL, mais pas un milliard de copies vendues, là, jamais de la vie. Je sais pas, 90 millions de copies? Non, trop. Trop? 50? Oui. Non. Trop un encore. Un million? Non, ça c'est pas trop peu. 32,5 millions d'exemplaires ont été vendus. En date de fin décembre. Bon. Ben, c'est des copies qui sont distribuées et non vendues encore, par exemple. Okay, okay. Ça se peut qu'ils vont s'arranger probablement de les écouler. Mais la version PC n'est pas encore comptabilisée. À un moment donné, ça va arriver. Fait que j'imagine qu'il va y avoir des copies. Quand PC va sortir, là, ça va être incroyable. Ça va vendre comme des petits pains chauds. Que oui. On peut-tu dire une chose? Je pense qu'ils ont rentré pas mal dans leur argent. Au podcast, là, à l'image. On nous voit dessus? Ouais. Parce que moi, je vois Starting Soon depuis le début. Ouais, moi aussi, je vois Starting Soon. Moi, je vois, fais un refresh, les gars, sinon. Mais moi, je vois le podcast qui est live. C'est juste les commentaires que je vois pas qui va. Non, c'est ça, les commentaires, ils roulent pas comme il faut. Ils roulent pas comme auparavant. Je trouve ça étrange, je ne comprends pas. Et là, effectivement, on est revenu sur le Please Stand By. Non, on est live, c'est bon, on est live. Juste pour ce moment de folie. Mm-hmm. Fait que, non, c'est ça. Pour ce qui est du chat, je peux vous dire que le chat, je comprends pas pourquoi il est revenu à un chat de commentaires laid de YouTube. Mais bon. Curse you, YouTube! On va faire avec, j'imagine. Ah, ben, non. C'est les fans qui nous ont demandé YouTube. Alors, on est sur YouTube. Autre nouvelle! Je peux dire. C'est la mienne. Ouais, vas-y avec la tienne, ouais, vas-y. Écoutez, là on va parler film. Mm-hmm. Saviez-vous que à partir de 2015 débutera le musical de Back to the Future? Yeah boy, avec Doc Brown en béquille et en chaise plante. Effectivement, c'est vrai. Il va effectivement avoir un musical de Back to the des films. Des films Back to the Future qui commencera à Londres à partir de 2015. Okay. C'est comment en sachant cela, voir un musical de Back to the Future. Ouais. Ouais, moi, je suis convaincu que les tunes vont être ultra épiques. Ouais. Je sais pas, moi, je suis pas un fan de musical. La seule musical que j'aurais voulu aller voir, c'est Evil Dead. Apparemment, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas, je l'ai pas vu, là, mais j'aurais fait que... Ça fait tellement pas un film d'horreur, comédie, où est-ce qu'il chante, sans que je vois Ash, je dois couper ma main! Oui, mais c'est tellement absurde, t'en conviendras, Ben, surtout Evil Dead 2, que ça fitrait excellent à Musical. Ça pourrait, c'est juste parce que c'est niaiseux, c'est tellement niaiseux que c'est. Ça en pourrait être juste drôle, c'est juste ça. Ah, c'est clair. Back to the Future, t'es voix parler, chanter, là, cœur gros et moins rempli, puis une DeLorean en carton qui descend du plafond. Fait que, je sais pas, on va attendre d'avoir des nouvelles. On se rappelle du désastre de Spider-Man. Ah, c'est ça, c'était pas bon, ça, hein, c'est ça? Ah, ben, c'est... Ça, c'est excellent. J'ai bien des gens qui ont été le voir, de mes connaissances qui ont été le voir, et qui ont aimé. Ah, c'est les gens. Moi, j'ai eu des petits camps, puis j'étais genre là, mes yeux et mes oreilles. Mes yeux Spider-Man. Et mes oreilles! Spider-Man vole-tu là-dedans? Il est comme, il est-tu strappé, oui. Puis il se Ah, mais je dis... Quand il saute, oui, je pense que oui. OK. C'est puis voir Goblin chanter qui et tu sais de la musique de YouTube en plus je reviens à ma première déclaration mes yeux puis mes oreilles. On va y aller avec une de mes nouvelles. Nintendo qui nous ont fait des petites annonces cette semaine par rapport à la Wii U pour essayer d'améliorer les ventes qui sont plutôt difficiles ces temps-ci. On a su que, ben, premièrement, la console allait bientôt intégrer, ben, on va avoir dans la Virtual Console des jeux de DS. J'avoue que c'est pas l'annonce que j'attendais, mais je suis surpris de Nintendo qui décide de sortir des jeux de DS au Wii U. Ben, ça fait juste du sens, hein. Ben, il me semble que je l'aurais sorti ça sur 3DS avant. Ah, c'est clair, sauf que... Ouais, mais en même temps... La 3DS vend très bien. L'affaire, il cherche une raison, comme d'avoir pour combien d'années que Nintendo à inciter les ventes pour la Wii U. Mm-hmm. Autre nouvelle également, ils vont nous annoncer aussi une mise à jour pour le Gamepad afin d'accélérer le lancement de la console. Encore? Oui. Sauf qu'ils veulent encourager le monde à lancer leur jeu directement sur le Gamepad plutôt que sa télé pour gagner du temps. Moi, je joue plus à la télé, je dois vous avouer. Le Gamepad, c'est pas la raison principale que j'ai acheté une Wii U. J'ai acheté la Wii U pour les jeux, là. Et j'ai essayé en Epic, comme je vous disais plus tôt. Puis en Epic, il se joue quasiment plus mieux sur la Gamepad que sur la télé. Les graphismes sur le Gamepad est meilleur que sur la télé. J'étais comme, pourquoi vous l'avoir sorti d'abord sur la Wii U? C'est con! Tant qu'à ça, je l'aurais acheté sur le PC, là. J'étais bien, bien déçu. Mais bon. As-tu une autre nouvelle, Antithèse? Vous avez le droit de me dire que j'ai pas rapport en cette nouvelle-là. Saviez-vous que Bill Gates a décidément quitté Microsoft à partir de, je pense, soit hier ou aujourd'hui. J'ai dit la nouvelle aujourd'hui, en tout cas. Il est allé travailler chez Sony? Ah, ça doit être ça, là. mais non, ça va être lui, le nouveau dirigeant d'Apple. Oh my God! Oh. Conspiracy! Apple 360, c'est la nouvelle console. enfin, on va vendre ça. De quoi je parle. Ça va marcher sur iWindows. je fenêtre. Ouais, mais je pense pas qu'on va voir Bill Gates s'amaigrir et prendre des cocktails de fruits tous les jours afin d'essayer de ressembler à Steve Jobs, là. Porter des jeans et un col roulé noir. Il mangera des Subway et il maigrira. Puis il va dire à son équipe qu'ils font tout de la merde, puis le lendemain, ils vont dire « Ok, c'est correct, je le prends. » Puis là, 20 ans plus tard, c'est le fils à la chose, là, l'acteur qui a joué dans le film, qui va le faire son film. Oh non. On est méchant avec Bill Gates. Ben non, je le connais même pas. Non, c'est vrai. Autre nouvelle, on a eu une petite nouvelle par rapport à Mario Kart 8, qui va avoir une date officielle de lancement qui va être en mai 2014. Oh, ça y est! Ça va faire du bien, ça. Je vais avoir une raison de sortir ma Wii U. Je veux jouer à Mario Kart. T'as bien dit Mario Kart 8 sur Wii U? C'est ça. est-ce que tu sais s'ils vont faire la même chose, un peu la même chose qu'avec Super Smash Bros. Faire une double non. Sur la tour DS? Non, parce que Mario Kart 7 est sorti directement. Ouais, sur il y a déjà Mario Kart. C'est bon. Je l'ai pas essayé encore. J'avais lu autre chose, mais j'ai pris ça comme pour un green cell. Ouais, ma femme l'a acheté, puis Mario Kart 7 sur 3DS, puis elle tripe bien raide. Ouais, Marie, elle l'a acheté ici aussi, il faudrait que je l'essaye. À un moment donné. Est-ce que tu as une autre nouvelle, Antithèse? Ben écoute, j'aimerais avoir l'aide de Jog sur cette prochaine nouvelle. OK. Ça concerne le Zelda Four Sword qui est disponible sur gratuitement pour 3DS. Oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui c'est la dernière journée, est-ce que je me trompe? Je crois que oui. C'était jusqu'au 4. On est le 4. Je sais pas. Je pense que c'est déjà plus gratuit à ce moment où on se parle. J'avais fait l'annonce sur mon Facebook comme quoi qu'il fallait se dépêcher pour aller chercher Four Swords sur 3DS. C'est ça que moi j'ai fait, j'ai téléchargé, puis je me suis dit un jour, qui d'autre, en fait, je recommence, qui d'autre l'a téléchargé, évidemment toi? Ben, moi je l'avais déjà parce qu'il l'avait déjà donné gratuit là, il y a 2 ans. Mm-hmm. Ok, ouais. Qui d'autre est d'accord qu'il l'a? Ben moi, je l'ai parce que moi, je suis comme Jug, je l'ai été chargé il y a 2 ans. Puis okay, je l'ai fait aussi à la console à Mary. Ah, je l'ai pas. Moi non plus. Peut-être que tu n'as même pas de 3DS pour commencer, JB. Je suis tout à même avec toi. Je sais. Le jour où je vais changer ma 3DS, je vais penser à toi, JB. Ok. Okay. Je vais mettre un couteau dessus avant juste pour être sûr. Tu vas l'échapper sur une grosse roche. Cadeau empoisonné. Ben non. Mais il donne, il crache dessus. ça me fait penser à quelqu'un, un moment donné, il y avait une DS normale, puis il a comme échappé sa DS normale, puis il s'est juste ramassé genre avec la moitié de la console, fait qu'en fait, j'ai une Game Boy Advance, ça star. Et que je vois des jeux de Game Boy Advance. Il n'y a pas tort, en fait. Non. Tu sais, c'est comme tant qu'à ça. C'est une autre console pareille. Puis elle est trop éclairée, cette fois-là. Tant qu'à ça. Ouais. C'est vrai. Autre nouvelle de notre côté. On a su que Sony vient d'abandonner les PC. Le géant de l'électronique a décidé de vendre cette division de PC à une compagnie japonaise et il se retire du marché du PC. Donc, on voit que les ventes de PC commencent à reculer de plus en plus pour toutes les compagnies et Sony vient de faire quand même une part, c'est quand même une grosse part quand même du PC là, qui s'en va là, Sony. Là. Quand j'étais au cégep, il y avait beaucoup de monde qui travaillait sur des PC Sony. Qui travaillait avec des Vaio. Alors, autre nouvelle. Est-ce que tu as une autre nouvelle, Antithèse? Écoute, j'ai fait ta touche. Ok. J'ai deux petites nouvelles côté cinéma. Bientôt au cinéma, un film dont vous êtes le héros. Le film dont vous êtes le héros? What the fuck? Fox a récemment annoncé qu'il adapterait la série en long métrage. Il est dont vous êtes les héros. Ok, mais tu peux pas faire de choix, là. Non. Mais c'est quoi le rapport, okay, d'abord? C'est quoi l'intérêt, là? Pas faire de merde! Ça sert à rien, bon. Non, mais t'sais, Fox, vous attendez à quoi? On parle de... Fox. C'est aussi pire que faire un film de Sims, là. Ouais, ça sent bien, ça sent bien. Arrête, t'es en train de leur donner des idées, là. C'est tout cancellé, ça. Non, mais tu sais, je veux dire, si par exemple ils prennent un livre en particulier, puis ils vont dire ok, on fait un film avec ça, ils vont peut-être juste prendre un personnage, ils vont le nommer X, puis après ça ils vont l'envoyer dans l'histoire du livre là. Mais c'est grave déjà en partant là, de faire un film avec ça. Dans le fond, ils font juste c'est adapter l'histoire, là, c'est tout. C'est ça. Ils manquent d'idées, ils sont plus capables de trouver d'idées pour faire des films. Hein. Ben, je pense. Chercher un livre dont vous êtes les héros pour faire un film. Pourquoi tu penses que tant de remakes? Parce qu'à faire les contre. Ont la chienne de vraiment s'investir dans un produit original. Ben, c'est n'importe quoi. C'est comme ça, les jeux vidéo, là, c'est cool après c'est cool, parce que c'est de l'argent sûr. Ben, c'est comme faire un film basé sur un livre à colorier. Là. Non, mais tu sais, c'est... si l'histoire est bonne, je vois pas pourquoi, dans le fond, pourquoi pas un livre dont vous êtes les héros à la place d'un autre livre d'un autre auteur, pourquoi pas? Mm. Ouais, mais tant qu'à utiliser le livre dont vous êtes les héros, prenez une série qui est faite en livre dont vous êtes les héros. Je veux dire, il y a Pym, par exemple, puis il y a des tonnes de séries de ce genre-là, ou si même prendre une de ces histoires-là, au lieu de prendre le nom dont vous êtes les héros, je veux dire, vous êtes pas les héros, c'est le personnage qui est le héros du film. Mais probablement qu'ils vont faire comme la série Loup solitaire, la série de films vont s'appeler Loup solitaire. Loup solitaire serait ça. J'aimerais savoir ça. Personnellement, j'aimerais ça aussi. Je les ai toutes faites. Fait que, ouais. Ça serait cool, le Loup solitaire. Mais 25... Attends, c'était combien de tombes? 20 livres? Une vingtaine facile. Moi, là, je veux un film de Fruit Loops basé sur Sam et Chica. Que ouais? Live on pay-per-view. Fruit versus Cherry Loops. Contre les Cherry Loops. Non, moi je veux Fruit Loops contre Sugar Crips. Oh. Il y a un toucan contre l'ours. Tony Tiger. L'anneau saveur qui les réveille. Le monde des céréales ne sera plus jamais le même. Fruit Loops to rule them all. Non, Fruit Loops to rule them all. Là, il y a un pélican avec un Fruit Loops qui se met dans le doigt, le play devient invisible. Puis, Non, hey! chaque Puis, tu sais, le type, tu vas le voir tout le temps faire plein d'activités sportives là, en arrière. Ils se battent contre les méchants de cornflakes. L'armée de. Le tigre contre le coq en carton. C'est une armée de coqs, là. Il y a un méchant officier coq avec comme borgne, là. Hey, on l'a l'idée de film, faut le faire. Ah, on n'a pas des idées. Je pense qu'on va commencer à écrire là-dessus. Je vais faire un petit texte, là. Les aventures de Général Cornflakes. Là, ça lie à d'autres sortes de céréales par rapport. Puis là, t'as le Fellowship of des trois frères cric crac croc. Gollum, c'est... Grab-a-crock! Vas-y, JP, qu'est-ce que tu disais? Gollum, ça serait qui, man? Faut que tu trouves un genre de céréales fucked up, là, un gars par rapport qui est tout seul. Captain Crunch. Le Count Chocula. Count Chocula. Count Chocula. C'est Gollum. Ouais, c'est voilà. Precious! Mordor, puis en tout cas, ouais, man, ça serait écœurant, peut-être une bataille épique, man. Fucked up. Ouais, on se met là-dessus. Ouais, mais je sais pas, j'ai déjà entendu parler d'un livre où c'était des personnages de mascotte qui s'affrontaient. Non, c'était pas parce qu'ils ont pas les licences, mais. Le film. Avec Lego, le film. Vous avez Kellogg, le film. Hey, c'est vrai, il sort en fin de semaine le film des Lego. Faut que j'aille le voir. Je pensais que t'allais dire, c'est vrai, il sort en fin de semaine le film des Kellogg. Ben non! J'en crois! Ouais, laisse-moi en fin de semaine, là, je vais écrire. Non, laisse-moi jusqu'à vendredi, je vais dessiner tout, puis je vais l'envoyer au cinéma vendredi, tu sais. Je vais avoir le temps de faire quoi, tu sais. Ça fait ça exprès, ça me demande un graphiste 3D pas un graphiste, mais un animateur 3D de le faire. Non, mais même à ça, c'est parce qu'une animation, ça prend du temps ou ça a fait. Oh. Non, mais tu sais, comme un poster de Lord of the Rings, mais avec les produits Kellogg. Tu remplaces chaque personnage par ça. Fait que là, faut trouver qui fait Legolas, qui fait Aragorn, qui fait Gimli. Y a-tu un petit nain dans les céréales? Captain Crunch, toi. Tu sais, le lapin, là, c'est les Twix, c'est ça, le lapin? Ouais, c'est ça, les Twix. Non, le lapin, c'est Legolas. Là, faut trouver les rates. Les rates, c'est qui? Les rates. Les quoi? Les rates, là, les... Non, c'est les compagnies, genre, tu sais, les compagnies, les céréales, chez Métro. De Métro. C'est qui, les céréales sans nom? C'est genre... Oh, c'est pas une petite boîte jaune, là. C'est bien en jaune, là, la place est en noir. C'est sans nom. Non, non. Là, ils veulent éliminer de la terre du milieu des céréales. Ils veulent se débarrasser des vraies marques. Puis là, tu sais, dis n'importe quoi. Ouais. C'est qui Saruman? Saruman, c'est... Les céréales Vector. Ah oui, les céréales Vector. Oh, Gandalf? Dieu. Gandalf, ce sera le plus gros mentor des céréales. C'est un spécial cas. Mini Wheat. Ah oui, la Mini Wheat. Avec une barbe et le chapeau. Mini Wheat de White, l'échange de bord, puis de... Oh my God. On a tout le groupe. On a tout le groupe. Qui c'est qui manque là? Les Hobbits? Tu veux qu'il y en manque plein? Non, mais les Hobbits, c'est les cric-crac-croc. Non, les Hobbits, c'est les Guimauves. Mais d'abord, Guimauves. Les Lucky Charms. Ouais, c'est ça. Oh, le gars des Lucky Charms. Ouais, c'est bon, ça. My pot of gold! My pot of gold! Je vois que t'es un fan de la série du Seigneur des Anneaux, là. Non. Mais non. Mais non. Correct. Autre nouvelle, là, cette fois-ci, on embarque dans du Superman avec l'annonce de qui va faire Lex Luthor. Et c'est Jesse Eisenberg. Si vous ne connaissez pas Jesse Eisenberg, il a fait quoi, selon vous? Il a fait Google. Il a fait Facebook. Ben là, t'as pas un punch. Ah, ouais. Excuse, je pensais que tu me demandais. Ouais. Ben, c'est comme ça que je vous ai demandé aussi, là, dans un sens. Ouais, une bonne réponse. Et un morceau de robot pour toi. Ouais. Un morceau de Kellogg. Un morceau de Kellogg pour toi. Fait que, ouais, c'est ça, il a fait Social Network où il jouait le personnage de, ben, la personne de Mark Zuckerberg, la création de Facebook, et il jouait également dans Zombieland, où il faisait le pissou qui a peur de tout. Règle numéro 20. Et qui tire sur Bill Murray, je vous rappelle. Oui, ouais, c'est vrai. Il a tiré sur Bill Murray, ça, ce qui est une insulte. On tire pas sur Bill Murray. Oh non? Non. Shit. Non. Yeah. Tu sais, je t'empêche de faire ça. Tu dois pas faire ça. Attends, t'as bien dit, il faut pas tirer sur Bill Murray? Faut jamais tirer sur Bill Murray. Faut jamais tirer sur Bill Murray. C'est ça. Mais là, tu dis rien sur couper Bill Murray. Salut! Qui c'est qui vient de faire là, lui? Quoi? Ok. Yeah. Je comprenais pas ce qu'il venait de dire, c'est pour ça. Mais t'as rien dit sur couper Bill Murray. Mais pourquoi tu veux le couper? Ouais. Ben, je sais pas, c'était un sage homme, hein. Voilà. Alors, antithèse, vous êtes envoyé dans le trou de l'oubli. Non! Alors, qu'est-ce que le trou de l'oubli? C'est qu'on l'enferme dans la chambre avec Beta. Oh! Dans le donjon. Et vu qu'il a réussi à traumatiser notre cher Justin Gamer. Il est très traumatisé. La seule façon pour toi de t'en sortir en titre, c'est de tirer un dessin et de pogner 99 et plus. Le 2% des chances. Je suis sûr que ça doit pas être typé que ça, là. Je veux dire. Non, t'as aucune idée. Ben, je suis somnambule, hein, fait. C'est la fois que moi, on s'en fout. C'est parce que tu t'endormiras pas, point. Non, yeah, écoute, Alpha t'es m'avait... correct, ton somnambuliste, tu dormiras pas. Alpha m'avait prévenu, puis j'avais dit la même calisse d'affaires, j'avais dit, ah, j'en ai déjà entendu du monde qui ronfle, y'a rien là, puis non, oui, ça, vous avez rien entendu de votre vie. Fait que, non, c'est ça, c'est Jesse Eisenberg qui va faire le rôle de Lex Luthor, puis Jeremy Irons, lui, il a fait, qu'il a fait, lui, comme personnage. Il a fait Athos dans le Masque de Fer. Et, ça remonte à loin, c'est ça, pareil. Ça remonte à loin, ouais. Mais c'est ça, c'est parce que c'est Leonardo DiCaprio. Avec Leonardo DiCaprio. Avec Léo. Et récemment, moi, je me rappelle que je jouais dans Eragon. Quoi? Eragon! L'affaire dans le film! Ouais, le film mauvais, là. Tu sais, genre, qui viennent de scraper le livre, là. Ils ont tellement scrapé le livre. Ouais, pas mal, hein? Ouais. Ouais. Le film, ouais, mais le livre, il est pas pire. Le film, c'est de la merde. C'est de la vraie merde. Mais il était tellement cute! Le dragon était cute! On veut pas te l'avoir dans la vie. J'ai essayé. Regarde. fait que là, c'est ça. C'est, on va revoir le film en 2016. J'ai bien hâte de voir ça. Et je sais qu'il y a certains fans qui sont en colère parce que ils disent que Jesse Eisenberg n'est pas un bon acteur pour faire Lex Luthor. Donnez-y une chance encore une fois, s'il vous plaît. Ne sait-on jamais. On se rappelle encore de Heath Ledger. Yep. C'est ça. Lui, il a encore de quoi prouver. Lui, il a encore il peut encore prouver qui est capable. C'est pas comme Ben Affleck. Ben Affleck a prouvé qu'il était pas capable. C'est ça la différence. Au moins, ils ont pas pu m'aider. Je veux juste dire qu'ils ont pas pris Matt Damon, c'est déjà ça. Matt Damon. Merci. Oh. Ah ouais, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est quoi ça, le chocobo, j'ai entendu? Chocobo? Non, c'est le Brevis. Tous mes soldats sont prêts. Bon, ils jouent pendant le podcast. Non, non, je joue pas. Bon, pogné sur le fait. Je joue pas, il m'a pas pris que tous mes soldats sont revenus vivants. Fait que, mais je joue pas. Bon, bon. Non, non, non, il joue pas. On entend un bruit, mais il joue pas. Non, non, non, non. On parle même pas. Ouais, je pensais qu'on allait lâcher les initiations pour toi, mais je pense que ça va continuer, hein? Deux initiations! Ouais, et là, cette fois-ci, t'es avec Joe. Ouais. On est dans la merde. Où d'aller dormir avec, Beta? Juste pour m'appeler dans les couilles. Ça, c'est le donjon. C'est la pire définition qu'on peut leur faire faire. Attends. Ah, okay. Hein? Dormir avec toi aussi, par exemple, ça pourrait être la limite d'avant. Vous allez vous leur dire quoi, ça? Je te niaise, PL. L'embarque, c'est pas mieux. Bon. Là-dessus, moi, j'ai fini mes nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles que vous voulez parler avant qu'on embarque dans le vif du sujet? Non. Alors, on va aller voir nos fans sur YouTube. Voir qu'est-ce qu'ils jasent. Je pense qu'ils sont mécontents, en fait, de la structure de... Plus à cause de la structure de la page ce soir de YouTube, parce que c'est... Pas gros jasette, malheureusement. Mais non, ouais. C'est vraiment de la merde. On est d'accord avec vous autres. On comprend pas pourquoi que ça a fait ça. Il marchait quand on a commencé. Pauvre merde. Mais ouais. Quoi qu'il en soit, il y a Kara Geekzone qui capote sur les wall scrolls de notre cher nouveau collaborateur. De Joe. Va me tasser un peu. Alors, en ce moment... Il est tombé Bleach en background. C'est vrai que c'est cool, soit en passant. T'as déjà conquis une de nos... une fan... que dis-je? Une de nos plus grandes fans d'accro des jeux. Cara. Parfait. C'est vraiment cool. Fait que dans le fond, aussi bien dire que Joe, il a déjà, dans le fond, passé le test. Ben, pour elle, en tout cas... Chanceux. Il y a Philippe Saint-Jean qui... dit qu'il y a un film d'animation aux États-Unis qui se nomme Food Fight, ça met en vedette des plein de mascottes de nourriture comme des céréales. Je vois ça. Oh my god. Alors. Je vois ça. Et Kevin Dory, il dit ça serait bon de rajouter le lapin de Nesquik dedans. Ah, ça serait comme l'espèce de mage druide machin dans Hobbit, là. Ah, le Radagast. Ouais. Radagast le brun. Facile de regarder ça, faire un. Une fresque de tous ces personnages-là. Je suis sûr que ça doit exister à quelque part. Il y a sûrement quelqu'un qui a pensé à ça. Ça doit penser que ça existe. Horde of the Cereals. Horde of the Cereal Rings. Sinon, à part ça... Là, ça commence aussi à jaser de Konami. Fait que, vu que c'est le sujet du jour aujourd'hui, on va parler de Konami un petit peu plus tard. Mais c'est à peu près tout ce que je vois également dans le texte. On voit que Jay-Woozy a dit à toi c'est donc bien drôle, votre délire avec les céréales, je roule à terre. Ouais, merci. C'est vraiment drôle aussi. On embarque avec notre sujet du jour qui est Konami. Qu'est-ce que Konami selon vous? Ben, Konami, c'est une compagnie de jeux vidéo qui fait ses débuts depuis les années 80 et qui a suivi à peu près l'évolution du gaming depuis la NES. Et ce soir, on va parler des grandes franchises de cette compagnie. On va parler également de son passé, de son présent et également de son. On va essayer de prédire son avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec cette compagnie-là? Je vais commencer avec Arcade parce qu'Arcade, il avait bien hâte de jaser de Konami avec nous autres. C'est quoi tes souvenirs de Konami, toi? Ben, c'est plutôt un versus Konami maintenant versus Konami avant. On dirait qu'il y avait un paquet de jeux, surtout des classiques, que tu voyais tout le temps popper Konami avant le jeu. Puis tu disais, Colin, Konami est partout. Puis maintenant, on dirait tout ce que tu regardes qui sort de Konami, je sais pas pourquoi, aucune idée. C'est toutes des affaires de Dance Dance Revolution depuis 10, 12, 15 ans. Puis, justement, quand on est allé au Gym, il y avait Sunset Riders, qui était un autre jeu de Konami qui était là. Mm-hmm. Puis, c'est je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre dropper un paquet de franchises prometteuses pour tomber dans ça, dans Dance Revolution. C'était le fun Dance Revolution. J'ai encore tapis chez nous. Oui, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est parce que si tu regardes, admettons, tous les jeux qui sont sortis de eux étaient extrêmement variés dans les autres années auparavant, mais à partir de 2000, c'est pas mal juste ça. T'sais, c'est plus que 50% pratiquement des jeux qui sortent à chaque année. C'est juste des affaires avec des périphériques de danse ou de musique ou quelque chose. Ils ont perdu tout ce qui était leur ancienne franchise. Tous les jeux, je trouve, on dirait que mis Konami sur la map. Contra. Mais le dernier Dance Dance Revolution, c'est pas en 2011? J'en vois un 2013. Dance Dance Revolution 2013, Japanese release, Asian release. Ouais, au Japon, c'est la grosse fureur encore. Ils font de l'argent avec ça, là. Ah, oh, bah, c'est sûr. Ils en sortent quasiment un ou six mois à l'arcade, là, avec des nouvelles tunes tout facile. Le temps, là. Puis ça, c'est accompli de quand pour les consoles maison, quand les nombres de tunes qui sont téléchargeables. Ça, c'est ça comptait autant les licenciés que leurs tunes créées. Sinon, toi, tes souvenirs à toi, je veux savoir, qu'est-ce que tu as joué auparavant de Konami puis que tu avais adoré? Arcade encore? Oui. Ben, parce que c'est dans ton nom. Oui. non, mais écoute, des jeux d'antan, justement, c'est tous les classiques que tu peux ressortir. Quand je fais toutes mes rétrospectives puis je regarde justement l'historique, je regarde pas forcément qui a fait le jeu, mais on dirait qu'à chaque classique que tu ressors, Konami est pratiquement partout. Que ce soit eux-mêmes qui l'ont fait ou une coproduction ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Écoute, les jeux de Konami, pense juste à Ninja Turtle. Oui. Pense à Ninja Turtle. Ouais. Pense à... Tantôt, tu l'as dit, Contra. Contra, c'est tous des jeux qui... Écoute, je sais pas comment dire de plus. C'est Konami, on dirait qu'il était une tête d'affiche ou un marquis par rapport aux jeux d'arcade des années 80-90, même les classiques au début qui commençaient. Mais maintenant, comme je te dis, on dirait que c'est pratiquement disparu. C'est pseudo-inexistant. En tout cas, c'est plus ce que c'était. Non, ça c'est certain. C'est comme Capcom. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, une évolution du mauvais bord. Castlevania... Fait que, écoute, je vais aller pleurer, puis je reviens, OK? OK, ils ont quand même fait Zone of the Enders, qui était quand même pas super, mais ils l'ont lâché assez rapidement, là. J'ai jamais joué à Zone of the Enders. Zone of the Enders, c'est excellent. mais le problème, c'est le stigma de... Ah, c'est fait par Hideo Kojima. Fait que, dans ce temps-là, les gens attendaient un Metal Gear Solid 2, mais au lieu de ça, les gens avaient Zone of the Enders. Fait que, le vrai problème, c'est... Mais on veut un Metal Gear Solid 2! Mais, les gens qui ont pensé comme ça ont manqué un excellent jeu qui avait de tout là-dedans en Zone of the Enders. Parce qu'ils voulaient voir absolument Metal Gear Solid 2. Okay. C'est quoi le gameplay de ça? Le gameplay de ça, c'est que dans le fond, tu pilotes un mec, un robot. Parce que ce qui sort de Zone of the Enders, c'est que tu... Là, t'as un robot dont je vais passer les détails juste de ma fille parce que je me rappelle plus ou moins dans le fond des noms, mais je me rappelle du concept. C'est juste que je me rappelle surtout que t'étais une personne, que dans le monde de The Enders 2, le personnage principal n'a plus de fond, n'a plus de cœur, mais il survit parce qu'il est dans le robot, il est dans le robot principal. S'il sort du robot, ben, on s'entend qu'il crève. Ah bon? Mais, comme c'est un jeu vidéo désigné par Hideo Kojima, ben, c'est comme Metal Gear, c'est que tous les boutons sont utilisés, sont cognitifs à leur... Je recommence. Tous les boutons sont pertinents, dans le fond. Fait que tu peux avoir plusieurs attaques, tu peux avoir plusieurs niveaux, t'as une difficulté balancée, t'as des missions... Donc, Zone of the Enders, c'est un excellent jeu. Okay. Joe, de ton côté, c'est Konami pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je vais commencer avec les premières années. Là. Contra, c'était le classique. Là. J'ai joué tellement souvent à ce jeu-là. Quand j'étais jeune, j'étais capable de faire le jeu sans perdre au sein de vie. Genre. Puis j'ai retrouvé tantôt, justement, je me promenais sur mon profil Xbox 360. Puis j'ai retrouvé mon achievement qui prouve que j'ai fait le jeu sans perdre de vie. C'est des vieux souvenirs. Là. C'est Suikoden, Vandal Hearts, Silent Hill, Castlevania. J'ai tous des jeux auxquels j'ai perdu des armes Metal Gear Solid aussi. ouais, c'est pas mal ça. Je dirais Suikoden, là, c'est une des plus grosses séries de RPG auxquelles j'ai joué, que j'adore. Là. J'ai fait les jeux minimum 4 ou 5 fois chaque. Là. Est-ce que tu savais qu'il parle de faire un sixième depuis maintenant un an? Oui, je sais, puis j'attends d'avoir des nouvelles. Puis si ça sort sur PS4, j'imagine une PS4 aussitôt que c'est annoncé. Genre. Oh my god, ça c'est vraiment comme un statement. En stand-by oh, ouais. Là, pour le jeu. Oh, ouais, je vous le dis, là, genre, j'ai le 5 chez nous, là, je l'ai refait. Genre, là, non, le 5 est écœurant. Le 5 est super. Ok, le personnage principal, il est vraiment laid. Excuse-moi son design, il est vraiment affreux. Il est en robe orange tout le long, c'est laid, c'est sa puce. Son arme, c'est de la merde. Il se bat avec un bâton qui se sépare en trois, c'est vraiment laid. Mais le jeu, l'histoire est tellement bonne, la trahison, les personnages sont super. Puis ça fait changement d'avoir un personnage qui est pas genre la destinée, puis le personnage doit contrôler le gouvernement, puis tout, c'est... C'est un prince dans une société qui est matriarcale. Fait que c'est pas mal une marde, tu sais. Okay. J'aime vraiment, vraiment le jeu. Puis Suikoden, c'est mon top, là, vraiment. C'est mon jeu fétiche de Konami. Antithèse de ton côté? Écoute, les gens, comme on avait déjà discuté dans le passé, les gens à l'école, c'était l'école primaire, c'était soit Nintendo, soit Konami, soit Mega Man de Capcom, ou encore, dans mon cas, c'était Konami. Je suis obligé d'être cliché en disant Konami avec Castlevania, avec Contra, avec Blade of Steel, avec... écoute, pour moi, ça venait de Konami. Je m'en foutais de ça venait de Konami, il fallait que je l'essaye. J'ai toujours été un fan de Konami, jusqu'à, je te dirais, récemment, où c'est que les jeux de Konami semblent avoir perdu de leur panache. J'essaie toujours d'être commercial. Pour faire un petit retour à ce qu'on vient de discuter, Suikoden, c'est un jeu RPG, plus avec une approche artistique, que mettons une approche à vouloir faire des trucs tout cassés. C'est plus utilisé sur le gameplay que sur le graphisme. Mais le problème, c'est qu'à cause du 4, et ça, Joe va peut-être pouvoir m'aider là-dessus, le 4 a eu des commentaires très négatifs. C'est possiblement même le chaînon faible de Suikoden 4 qui a fait que quand on a sorti le 5, ben, les gens ont encore eu un goût amer du Suikoden 4, fait que le 5 n'a pas aussi bien vendu que du monde. Ce qui est triste du 4, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Ils ont essayé de changer un peu les mécaniques de jeu, ils ont changé le nom de personnage, ils ont changé les stratégies que tu avais accès. Puis le fait que tu te promenais toujours en bateau a aussi changé beaucoup la mécanique du jeu puis le randomness des monstres. Ils ont quand même réussi à se rattraper avec le tactique, qui était excellent. Mais vraiment difficile. Suikoden Tactique, j'ai jamais été capable de le terminer. Jamais. Il est vraiment trop difficile. Le grinding. Comment? C'est le premier qui me dit qu'il est bon. Moi, tous les gens qui j'ai dans mon entourage m'ont dit que Suikoden Tactique, c'était vraiment, mais vraiment horrible. Moi, je l'ai adoré parce que. C'est pour ça que je n'ose pas commenter. T'sais? Moi, je l'adore pour la simple bonne raison. Nice. C'est un tactique qui est vraiment différent. Ben, il y a tellement de personnages, de combinaisons différentes que tu peux vraiment faire ce que tu veux comme combinaison, mais il y a des éléments que tu n'as pas dans les autres jeux de tactique comme Final Fantasy, par exemple. Tu n'as pas le job, mais le terrain sur lequel tu vas te battre va tout influencer au grand complet. C'est un jeu de John Kenpo à grandeur parce que tu as les éléments qui changent. Toutes les spells que tu fais vont changer les cases en fonction de l'élément du spell qui a été casté dessus. Quand tu es sur un élément qui n'est pas de ton personnage, tu es plus faible. Mais quand tu es sur un élément de ton personnage, tu es plus fort. Fait que faut que tu joues avec ça, avec tes ennemis, tes alliés en même temps. Puis il faut vraiment que tu penses non-stop à qu'est-ce que tu vas faire d'avance. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais le jeu, il vaut la peine. Le seul point négatif que j'ai à dire, c'est qu'il y a un système, le système des jobs, que tu peux faire des petites quests une fois de temps en temps. Je l'ai jamais compris. Ça fonctionne pas. T'envoies du monde en mission, puis ils reviennent. Des fois, ils l'ont la job, des fois, ils l'ont pas, des fois, ils l'ont raté. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas qui faut t'envoyer. Puis, il y a personne sur Internet qui semble vraiment comprendre le principe du jeu, là. Non, mais ça l'air à ça aussi. Sinon, faire un autre retour en arrière. Les arcades, comme arcade rétro, moi, je pensais beaucoup mon temps au jeu d'arcade Castlevania, aussi rare était-il. Ouais, tu m'as fait une... Oui. Il y a une arcade de Castlevania, mais il était rare. Moi, je me rappelle de, que j'allais souvent à la récréatique de Laval pour jouer spécialement à... Il est tough! Comment? Il est tough! Il est tough. Il est fun! Il est tough, mais il est fun. Contra, la même chose. Ninja Turtle, le jeu d'arcade. Oh, Ninja Turtle, il est tellement bon. Épique! Très épique. Puis tellement difficile. L'original, il est vraiment difficile. Si tu veux jouer seul, bonne chance pour le finir. Ben, c'est fait pour te gober des 25 sous. Ah, là, c'est ça. C'est normal. La difficulté... C'est normal. La difficulté, quand tu as de l'arcade, tu peux changer la difficulté du jeu. Puis probablement que ceux qui avaient de l'arcade, ils l'ont mis genre plus tough que nécessaire. C'est un laps de 2 ans. Là. Teenage Mutant Ninja Turtles, Simpsons, Sunset Rider, Vendetta, X-Men, Lethal Enforcers, G.I. Joe, BuckyOware, Astérix, c'est... Fuck man, ils sont allés violer, pas violer, mais violer. Violer. Ils t'ont violé ton portefeuille, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, un laps de 2 ans, là, tout ce qui devait être les franchises les plus populaires sont allés se les prendre pour faire des classiques. Mm. Non, ça c'est excellent. Mais là aujourd'hui, écoutez, faut que vous dites ça. C'est pas pour rien que, exemple, le Devil's Hotel a été programmé par Venture Games, une jeune compagnie, et que Castlevania a été conçu par Mercury Steam, alors que Konami n'agit qu'en tant que publicateur. Ce qui doit avoir maintenant un manque de confiance par rapport à leur Alors, franchise. Ben, ouais, c'est peut-être aussi une façon aussi de changer un peu le style de Konami, parce qu'on sait que, vu que Konami, c'est une compagnie japonaise à la base, au Japon, ils ont beaucoup de problèmes à évoluer dans le monde du gaming depuis, faut pas se le cacher, là, depuis les années 80, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le style japonais depuis ce temps-là. Puis, ça leur a causé des problèmes quand l'Ouest a embarqué dans le monde du gaming en grand, à part ça, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui viennent de l'Ouest maintenant. Mm-hmm. Le style de jeu, puis le style de représentation des personnages, tout ça, ça a comme changé, puis les Japonais n'ont pas changé. Il y a même des personnes comme Keiji Funifune qui l'ont dit. On dit que les Japonais, faut qu'ils changent de style, puis il faut qu'ils changent de façon de faire des jeux, parce que sinon, ça n'avancera plus. C'est parce que c'est triste parce que les équipes de développement au Japon veulent faire du changement, mais ils peuvent pas se le permettre parce que les joueurs veulent la même affaire non-stop. Ouais. C'est ce qui est triste. Mais pour suivre ce que tu dis, Jog, c'est pas un peu ironique qu'Inafune dit ça alors que. Dans le bon sens, que je dis ça, alors que lui va sortir le clone, pas un clone, mais le nouveau Megaman que tout le monde attendait depuis maintenant plus de 10 ans. Oui, mais en même temps, quand c'est bien fait, Megaman, ça marche tout le temps. C'est ça le problème. Il y a des affaires qui marchent plus. T'sais. Comme je vais prendre, mettons, la série Castlevania, c'était tellement, au point de vue d'histoire, c'était tellement rendu un foutoir monumental. Surtout que les derniers qui ont sorti sur DS, Dawn of Sorrow, puis etc., là, les trucs d'anime, là, ça matchait plus pas en tout avec le style de Castlevania. Puis l'histoire était tellement fuckée que même IGA il a comme genre renié certains Castlevania de la série parce que c'était tellement un foutoir et puis un bordel monumental. Puis je pense que d'avoir donné ça à une compagnie externe comme la compagnie qui fait Mercury Steam qui fait Lord of Shadow, ça a changé, ça a refait un reboot de la série qui à mon avis beaucoup plus représentatif de ce que ça aurait dû être à l'origine. Toi, de ton côté, Justin Gamer, tes souvenirs à toi de Konami, c'est quoi? Ben, moi, ma première expérience avec Konami, c'était Frogger sur Atari 2600. Wow! Oh, donc, c'était juste Konami. Ben, yeah, back in time, avec Frogger. Puis Frogger, ben, dans le temps, ça torchait. C'était un des meilleurs jeux que tu pouvais pas avoir sur 2600, là, mis à part les autres jeux, là, comme Mario Bros, puis ça fait de même. Puis quand j'ai bougé avec le Nintendo, ce qui m'avait accroché de Konami au début, c'était Gradius. Ah ben oui, c'est vrai. Parce que moi j'aimais les jeux comme Defender, puis Space Invaders, puis comme ça, puis d'avoir un side-scrolling shooter, c'était mon premier shooter side-scrolling, puis Gradius, ben c'était parfait là, c'était l'ultime, là, l'ultimate. puis avec Life Force après, puis là j'ai découvert Castlevania, puis là c'est une autre série que j'ai mis dans ma banque de jeux de must play, là. Il fallait que t'ailles Castlevania chez vous, parce que si tu savais pas Castlevania, t'étais retardé mental, là. Il y a quelque chose qui allait pas avec toi, là, si t'aimais pas Castlevania, là. Puis, ben c'est ça, tu sais, c'était surtout de voir en magasin, là, les boîtes grises NES, là, de Konami, là. T'es là, wow, hey, ben, ça, c'est du Konami, ça doit te torcher, là. Mm. Puis quand t'allais louer une cassette au club vidéo, t'as regardé les boîtes grises, pis t'es Chris Konami, n'importe quoi, que ce soit un jeu de merde, un jeu de baseball, oui, whatever, c'était marqué Konami, oui. Fuck off, on loue, c'est bon. Jack Palmer, parce que c'est un jeu de Konami. C'est Konami. Un jeu de golf. Tu sais, pis bon, il y avait des astis de bons jeux, pis il y a beaucoup de jeux qui sont sortis sur la bannière d'Ultra, parce que... Nintendo, à l'époque, il limitait le nombre de sorties de jeux. C'est ça, il limitait le nombre de sorties de jeux, puis pour éviter ça, ben, ils ont sorti une autre compagnie qui s'appelait Ultra, puis on va sortir d'autres jeux là-dessus. Puis il y avait d'excellents jeux aussi sur Game Boy de Konami qui sont sortis sur le nom d'Ultra, donc on peut les considérer comme des jeux de Konami, techniquement. Puis, mais la série Gradius, puis tout ça, là, ça c'était pour moi, c'était comme mon dada là, sur NES. Là. Sérieux, Life Force, je sais pas combien de fois j'ai joué à ça, puis... En même temps, à côté, en sideline avec Contra. Là. Quand tu jouais avec deux une autre personne, t'es arrivé chez vous, puis passais le jeu 10 minutes, puis 20 minutes, 30 minutes, puis on recommençait. Là. Écoute, en passant, je remercie Nintendo qui nous dit qu'on parle de Haunted Castle pour Castlevania Arcade. Ah ouais, ça c'est quelque chose d'autre. Ça. Moi, j'y avais pas essayé celui-là. Ah, il est pourri, mais... Hey, il est super tough, ok? Je me prie. Oh, bon, oui, c'est sûr qu'il est tough, mais il est pourri. Tu l'as pas essayé. Alpha, de ton côté, tes souvenirs de Konami? Ben moi, je suis pas mal de l'époque NES, pas mal comme vous autres. Fait que mes premiers souvenirs, évidemment, ils datent de la NES avec Contra, Teenage Mutant Ninja Turtle, qui étaient vraiment des excellents jeux. Mais malheureusement, j'ai pas eu la chance ou le temps ou un mélange des deux de jouer à Castlevania. La série, c'est pas quelque chose que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que j'aimerais faire, mais écoute. Quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Puis, je te dirais que après ça, j'ai vraiment perdu de vue Konami. J'aimais bien Dance Dance Revolution, moi, à l'arcade. J'aimais ça. Mais à part de ça, je dirais que ça s'est arrêté là, dans mon cas, là, avec Konami. Ta tune préférée sur Dance Dance? Captain Jack. Les ballons. Hey, non, pas les ballons. Non, c'était Captain Jack. J'aimerais ça que quelqu'un ait tous les ballons pour Dance Dance Revolution. Ce serait des millions, à vous! C'est faisable. Oh. C'est faisable avec les clones sur PC. Ouais. Ah oui, c'est jeu. Vrai. Sur ordinateur, il y avait le jeu, il s'appelait Stepmania. Dans le fond, c'était Dance Dance Revolution, mais avec les flèches du clavier à un moment donné, là. Ouais. On jouait à ça avec mes amis, on était rendus des bêtes là. C'était vraiment cool. De mon côté, moi, mon premier souvenir que je me rappelle de Konami, c'est le premier jeu des Tortues Ninja sur NES qui était sorti à bannière Ultra. J'ai passé des heures et des heures à 4-5 ans à essayer de faire le jeu et de jamais être capable parce que le jeu est tellement pourri. Il est tough. Il est très tough. Le premier Ninja Turtle. Oh, il est la queue. Mais c'est comparé à The Arcade Game. Non, mais Arcade Game, ça c'était différent. C'était le must. Très belle adaptation du jeu d'arcade. Là, mm-hmm. On Nintendo, oui. C'est un jeu qui est encore le fun à jouer à deux en même temps. Là. Si j'ai à faire, si par exemple j'aurais pensé à Nintendo ou Janim, je pense que ça aurait été un des jeux que j'aurais joué. Ça aurait été Tortue Ninja 2. Puis avec des deux manettes, puis je pense que j'aurais joué avec tout le monde. Oui. Ah, c'est clair. Sinon, moi, je me rappelle beaucoup des Simpsons en arcade, qui était un excellent jeu. C'est Konami qui l'avait fait. J'avais trippé, puis ça avait pris super de gros... Ça a pris bien du temps avant qu'on puisse l'avoir en version console. Ça a sorti comme il y a un an ou il y a deux ans, genre. Mais c'était un Christy de bon jeu de beat'em all que Konami avait fait. Puis ben après ça, ça a augmenté. Ça m'a toujours suivi, Konami, veut pas, mais de proche, plus de loin que de proche. Tu sais, c'est pas comme Capcom. Capcom, il y avait toujours des bonnes séries qui ressortaient, puis que, tu sais, à un moment donné, ben, t'avais Resident Evil. Ben, je me tapais du Resident Evil autour de bras. À un moment donné, ah, Megaman est sorti. Je sortais du Megaman, je jouais du Megaman. Mais Konami, c'est comme, ah, oh, on sort un Castlevania. On va mettre un Dance Dance Revolution. Ça prenait du temps avant d'avoir des jeux de Konami rendus en PlayStation 1. Fait que ça comme, je me suis comme éloigné de Konami. Je veux avoir vos avis. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Konami? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi qu'ils sont pas là, ces temps-ci, là? Oui, je pense qu'ils s'enlignent dans le mur comme Capcom. Moi, je pense qu'ils s'enlignent dans la même direction qu'Atari. Personnellement, là. Quoi qu'au moins, ils vendent avec DDR, là. Fait que... Ils ont de l'air d'avoir peur de... Ils ont l'air d'avoir peur d'être créatifs qui était une de leurs grandes marques de commerce jadis, pourtant. C'est difficile maintenant avec tous les budgets, question d'argent. Je pense que essayer de faire, c'est de survivre, juste de subsister. Peut-être juste une question de temps avant qu'ils disparaissent, là, mais. Ok. Je pense que question de survie, là, parce que là, est-ce que vous les voyez vraiment là, faire un super hit qui va les remettre sur la map, tu sais, l'année prochaine, dans deux ans? Ben, ils vont espérer que Metal Gear Solid 5 soit dans le fond, c'est leur sauveur, mais ça c'est comme Capcom, ils ont été sauvés par Resident Evil 5. Est-ce que Konami va être sauvé par Metal Gear Solid 5? Faut aussi considérer que Konami sont pas dans la merde aussi financièrement que Capcom, mais quand même, comme on n'avait pas dit depuis les dernières 5 minutes, ils s'éclipsent. La présence est moins importante en Amérique du Nord. Au Japon, je pense que c'est le contraire. Je pense que les Japonais ne veulent pas avec les Dance Dance Revolution puis la présence en arcade, vu que l'industrie de l'arcade au Japon, c'est monstrueux comparé à ici. Là. Je pense que eux autres, pour leur argent, côté Japon, sont corrects. Mais c'est la présence surtout américaine qui pose plus de problèmes. On sait qu'ils travaillent en ce moment sur un nouveau Castlevania. Donc, probablement... Ben, oui. Oui, il sort le 25 février. Il sort dans 8 semaines, c'est ça? 2-3 semaines? Ben, c'est ça. 8 semaines, c'est pas eux autres, ils font juste le publier. Mais... Ouais, c'est ça. Ils publient quand même ou ils développent? Ils développent, c'est Mercury Steam. Mais... Ah, ok, ben, dans le fond, ça aurait pu être n'importe qui d'autre d'abord. Ouais. Parce qu'à la limite, ce qui va se passer, ça va peut-être faire comme Square Enix, puis ils vont faire plus de publications pour qu'est-ce qu'il y a du Western, puis faire quelques jeux une fois de temps en temps, comme Square font du Final Fantasy, puis. Konami vont avoir leur Dance Dance Revolution qui va être leur grosse affaire, puis tous les autres jeux vont les faire par d'autres compagnies. Là. C'est pas vraiment vers là qu'ils s'en vont. Là, je t'apprends livre que Konami, c'est sacrilège, actuellement, ont encaissé des profits durant la dernière année. Ok. Ben, c'est ce que je pense. Là. Moi, je sais que Konami, ça marche pas au Japon. Là. Les autres, je suis pas inquiet pour ce qui est de leur économie là-bas. Là. C'est sûr que c'est plus la présence américaine que moi, je me pose des questions. Je me demande qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Aux États-Unis, on n'a rien d'eux. Non, c'est vrai. Ils subsistent. Ils essaient de subsister, je présume, je sais pas. Je peux pas dire, là. Je pense que ça ressemble à ça. Parce qu'ils ont des grosses, c'est eux autres qui ont une grosse industrie de machines à sous, de compagnies de Dance Dance Revolution, de Guitar Freak, tu m'as dit Guitar Hero, mais Guitar Freak, qui sont importants. C'est quand même important. Selon moi, c'est juste la présence sur console qui est comme problématique, on les voit beaucoup moins, qui ont tendance à peut-être vouloir quitter le monde du gaming, peut-être, à petit feu. Ce sera plus important en périphérique qu'en software? Oui. Maintenant? OK. Ouais. Peut-être. Soit ils vont couper court avec la localisation dans les autres pays, puis ils se concentrer sur le Japon. Peut-être. C'est une possibilité aussi. Là. C'est, comme tu dis, ils font bien gros cash au Japon. Ils sont assez big là-bas pour survivre juste avec ça. Là. Est-ce que non seulement il y a des compagnies de Konami ailleurs dans le monde? Sont-ils juste établis au Japon ou il y en a genre en Europe ou en Amérique? Ah, c'est établi dans le monde, mais mais c'est vrai que ce que Ben dit, leur grande force est au Japon. C'est ça. Ben, ils ont plusieurs franchises qui ont quand même, sont quand même assez fortes, on s'entend. Ils ont Castlevania à eux, ils ont Metal Gear qui sont quand même deux grosses franchises. Ouais. Puis ils ont également la franchise Yu-Gi-Oh! Qui leur appartient. Oh, ouais, c'est vrai ça. J'avais oublié Yu-Gi-Oh! On avait oublié Yu-Gi-Oh! Mais c'est, ça leur appartient, puis c'est une grosse franchise mondiale. Là. Oh, c'est acheté ça? Hein? Ils l'ont acheté ou à la base? Non, ça leur appartient. Ça leur appartient. Okay. Depuis le début, en fait. Okay. Tu checkes les credits là, des animés, t'as Konami dedans à la fin. Fait que c'est quand même gros, parce que le jeu de cartes, là, je veux pas, il continue, là, ça fait quoi? Sérieux, ça fait 10 ans là, que c'est sorti, Yu-Gi-Oh! Là. Minimum. Puis ça marche encore? Ouais, je jouais dans le temps quand ça venait de sortir, puis ça continue, les règles ont changé, c'est incroyable. Là, j'ai pas joué, j'ai joué les premières, la première année, puis ouais. j'ai joué aussi au jeu de dés, puis c'est tout. Ah, ok. Mais non, le jeu de cartes a tellement évolué, là, c'est incroyable. Là. J'ai du monde que je connais qui font des tournois, puis je suis plus capable de les suivre parce que les règles ont tellement changé que fuck off. C'est comme les Planeswalker dans Magic the Gathering, en fait. Là. Les mécaniques ont complètement changé. OK. Fait que c'est quand même important. C'est gros, ouais. Là, comme industrie. Konami, je pense que... Selon moi, j'ai plus le feeling que Konami va partir... avec du software, mais ils vont se concentrer sur le hardware. Mais je suis pas inquiet pour leur santé monétaire. Un jeu qui représente Konami pour vous. Contra. Castlevania, c'est sûr. Castlevania. Sucadette. Qu'est-ce que tu mènes? Sunset Riders? Ah bon, je t'en prie, mais ça va pas pareil. Ouais. Moi, je dirais Contra. Pour moi, Contra, c'était leur franchise phare. J'aurais dit les Tortues Ninja, mais ça leur appartient plus. Ils font plus de. Ils n'ont plus la licence pour les Tortues Ninja. En fait, je vais réitérer, je vais dire Silent Hill. Ok. J'attends à dire ça moi aussi, mais tu vois, tu peux arriver et dire ah, mais Silent Hill, il est moins fort, tandis que Castlevania, ben c'est comme. C'est sûr que t'as un peu de jeu. Mais c'est Castlevania qui a plus fait la. Castlevania, les contrats ont plus forgé Konami que malheureusement Silent Hill. Même si Silent Hill, alors, c'est vrai, il a donné un vent de fraîcheur, jadis. Ouais. Juste que Silent Hill, c'est le jeu qui m'a initié au jeu d'horreur, donc ça reste une marque. C'est clair. On va aller voir ce que les fans nous jasent en ce moment sur le chat. Parce que toi, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous jase à propos de Konami. Nice. Vague. Konami. Toi, Philippe Saint-Jean dit le passé que je me rappelle de Konami, c'est les jeux de Warner qui étaient très difficiles alors que Capcom avait Disney. Oui, c'est vrai. C'est eux autres qui avaient fait les Teeny Toons en Sega Genesis, ça, je me souviens. C'était bon. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre aussi? Il n'y avait pas rien qu'eux autres qui avaient Disney Capcom, il y avait une majeure partie des affaires Disney. Non, mais ils veulent dire que Capcom, en comparaison, Konami avait des jeux de Warner Brothers comme Looney Tunes et. Au moins, il y a la même affaire. Warner Brothers. Même gars, les affaires. Il y a des lapins. Il y a des... C'est excuse. Dave Forêt dit mes coups de cœur, Konami, c'est Metal Gear Solid, des Contra et Castlevania. Je pense que c'est à peu près tout le monde. Ouais, c'est tranquille à soir, hein? Ouais, mais ça arrive. C'est pas... C'est tout tranquille parce que le chat marche mal. Ouais, c'est ça, le chat. On est revenu à un chat mal fait pour aucune raison que je ne comprends. Mais moi, mon jeu de Konami favori au Game Boy, c'était Opération C. Oui, complètement. Le contre- Et je m'en veux parce que j'aurais pu l'avoir en fin de semaine pour 10$. Alors, shame pour toi. Oui. Tout rétro, châtie-moi. Ouais. Mais tu sais, c'est normal que Castlevania, que Contra, puis Metal Gear viennent tout le temps. C'est une plus grosse franchise de Konami. T'sais, tous les autres jeux, avec quoi ouais, un jeu, puis si tu l'as manqué, ben oublie ça. Là, tu n'as plus jamais. Il y avait beaucoup de frogueurs. attends un peu. Il y avait beaucoup de versions. Beaucoup de versions de frogueurs. Oui, c'est ça. Et c'est pas toujours la même grenouille. Je me rappelle la version de Frogger sur PlayStation 2. C'était rendu genre un jeu d'aventure dans un monde fantastique Oh, à, mon Dieu. À place d'être une grenouille qui se fait juste écraser par un char. C'est fake Pac-Man. On ramasse des objets. Ben, c'est ça. Il y avait une map, des quests, puis des... On a Funky Billy qui dit « Oublions pas les PES qui sont vendus à tonnes en Europe. » Oui, les jeux de soccer sont très très populaires, sauf ici au Canada. Que... Ils sont snobés, pratiquement. Ben, c'est sorti, ça sort parce que le monde achète, mais c'est tout. Nintendo qui dit « Konami ne doit même plus développer de jeux, ils doivent laisser ça entre les mains de petits développeurs, c'est maintenant que des publiers. » D'accord. C'est pas mal ça, ouais. C'est là. Nintendo nous dit aussi, il a connu Konami à l'arcade avec Time Pilot et Track and Field. et ONES avec Contra. D'ailleurs, je l'ai vu jouer à Track and Field à l'arcade récemment au barcade de McFly. Super Dark Zane. Oh, pardon. Ah, vas-y. Non, je te laisse. Vas-y, antithèse. De Super Dark Zane qui dit que pour lui c'était Contra et attention, j'avais invoqué un nom épique, Super Castlevania 4. Oh! C'est vrai que pour la scène Nintendo, c'était vraiment un excellent. C'était de shit. C'était même aujourd'hui, il t'offre, il a super bien vieilli ce jeu-là. Ouais, ou pas? Tu comprends-tu toi, pourquoi ils n'ont jamais réutilisé les mêmes mécaniques que Castlevania 4 ever? Ils ont essayé avec Rondo of Blood, mais... Non, la mécanique avec le fouet, là, de pouvoir le bouger dans n'importe quel sens, puis de prendre des objets avec, ils l'ont jamais ramené! C'est carré! Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était difficile à coder, mais pour les nouvelles consoles... N'importe quoi! Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu es capable pour un jeu, on ne sait pas pour faire les autres, on sait n'importe quoi. Je sais que c'est n'importe quoi. Ils ont essayé de le refaire avec Jonathan Morris dans Project of Ruin quand t'avais le fouet, mais en même temps, c'était pas ça, là, non. Au moins dans Castlevania 4, t'avais un excellent feeling. C'est ça qui manquait à tes souhaits. C'est le caniche. Ah bon. On a également Kevin Poudrier qui nous dit le Tortue Ninja Tournament Fighter. Attends, c'est lequel ça? Tournament Fighter? Un 4 qui est sorti au Nintendo, puis c'est pas Nintendo, je me trompe pas. Genesis aussi. NES. Ah, et Super Nintendo aussi, non? C'était super poche. Oh. NES, Super Nintendo, puis Genesis, effectivement. Ah, oh, man, c'était des... Ah, Ninja Turtles, ça ressemblait pas, ça se peut-tu? Non. Ça se peut fort bien, oui. Non, ça, il était bon, celui-là, au SNES. Le Versus, là? Oh, oui. Okay. Je l'ai bien aimé. J'ai jamais joué, moi. Il était un peu stiff, les contrôles, en fait. Ouais, il était un peu stiff, mais il était pas si pire que ça. C'est pas Street Fighter, là, mais... Non, Street Fighter, c'est pas mal la coche, là. Oui, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de faire des multiples versions de Street Fighter 2, là. Giga, Mega, Ultra, Street Fighter 2, édition expert. Super Street Fighter HD Remix 2 Turbo Alpha. Point Gold. Championship Edition. Championship. Avec des sparkles. Faut que tu rajoutes des sparkles. Puis du bacon. C'est important. C'est important que les personnages de Street Fighter ressemblent au personnage de Twilight. Je crois que dans le Tournament Fighter de Ninja Turtle, il n'y a pas Bebop, il n'y a pas Rocksteady, il y a comme des personnages laids qu'on n'a jamais vus. Bonne question. Mais hey, on peut continuer. Mais ça nous a demandé quelle licence qu'ils ont. C'est ceux de la BD ou ceux de l'animation? Non, parce que je voulais juste voir l'image des Ninja Turtles, c'est le jeu que je pensais, mais oui, mais dans la sélection des personnages, il y a plein de personnages que j'ai jamais vus par rapport à ceux qui sont dans les plus populaires, qui sont absents. Je pense qu'il y en a plus pas qui étaient dans la série. Ouais, mais tu sais, il y a Ratman, oui, ok, mais il y a comme un gars requin, puis un bonhomme ptérodactyle, je sais pas trop quoi. Ah, mais il y avait plein de jouets qui ont jamais sorti dans la série TV, puis qui se sont retrouvés là. Ah, ok, c'est comme un coup de promo, là, pour... Ouais, genre. Ok. Alright. Sinon, on a une question, on nous demande, est-ce qu'on a essayé contre 3 Alien Wars avec le mode 3D? Ouais, je pense que c'est sur PS1. Je me rappelle l'avoir joué quand il venait de sortir sur la PS1 d'un ami de mon père, mais... C'est pas Super Nintendo? Contre 3, c'est Super Nintendo. Ouais, contre 3, ben oui, mais c'était génial. Ouais, c'est bon, j'ai rien dit. Je me suis trompé avec la version PS1 qui était sortie. Never mind. Mais ouais, le 3, j'ai joué. Bon, celui sur la SNES, ouais. Il était difficile, par exemple. Une fois que t'avais fait le tour, t'as unlocké le hard mode, là, puis ça devenait l'enfer. J'ai joué avec le mode en haut, là. J'ai comme plus... Moi, c'est plus le top que j'ai pas trippé, là. Ouais, le top-down, c'est pas vraiment génial, mais le reste est top-notch. Mm-hmm. Pour le top level, t'avais juste besoin de prendre le flamethrower, en fait, puis tu faisais juste comme tout démolir, t'es comme... Tu tournais sur 360, puis tu faisais juste torcher tout ce qui arrivait. C'était bien. Contra, finalement, là, c'est le Rambo qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Ouais. C'est le Rambo rencontre Alien, si tu veux. Mais c'est Rambo. C'est Rambo avec Commando de Arnold Schwarzenegger plus Aliens, tout mixé ensemble. Et ça donne de quoi d'épique. Ça va être meilleur que le nouveau jeu de Rambo qui va sortir. Là. Oh my, avez-vous vu ça? Non. C'est le. Tu sais, comme 40 ans trop tard. Avec Rambo sur NES. Là. Non, juste la simple invocation de l'association Rambo. Nouveau et jeux vidéo. Merci les gars, je pense qu'ils vont faire des cauchemars à soir. Il y a un gars qui s'est réveillé dans une prod puis il a dit « Dude, on va exploiter une franchise de ça fait 30 ans. Laquelle? Rambo. » Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont licencié comme visage de Sylvester Stallone, mais il y a même une calice de face dans tout. Non mais écoute, il se fait torturer puis il a la face comme... Parce qu'il prévoit une nouvelle version, un remake de Rambo, ça va être Matt Damon qui va jouer Rambo. Dennis Glover serait meilleur en tant que Rambo. Quoi? Ou Pierce Brosnan, ou whatever. Je m'en souviens en tant que c'est d'eau. Avec un Mac. Yeah. Je m'appelle Rambo. John Rambo. Il y a plein de gadgets en bambou, là, puis ouais, c'est ça. Moi, je voudrais voir Christian Bale, man, faire Rambo, là. Wesh! Je sais pas! I'm not Rambo! C'était tellement intense, Joe, que même ta caméra est devenue floue un instant. Malade! tu vois même ta caméra de la misère à suivre. Là, t'as un Bane Viet Cong là, qui... Non, mais s'il y avait un film de Konami, là, qui vous penseriez jouerait le rôle du vaisseau dans Gradius? Mais quelle question pertinente! C'est super intéressant comme sujet. Venez à discuter avec nous sur le forum d'acroisdesjeux.com. On va avoir une discussion intéressante. Si tu demandes à Kevin Smith, il va te répondre Ben Affleck. Ben Affleck qui joue le vaisseau ou le je vous rappelle que Ben Affleck a une face de cul avec. Ah, fait qu'on sait on sait où va être sa tête, c'est beau, en arrière. je vais aller voir rapidement, y a-tu d'autres choses qu'on nous jase? Mais tu sais, les deux gars de contrat, ça peut être Arnold et Kevin Story. Ouais, mais ils ont plus de muscles, plus de muscles. Ils mettent des t-shirts, là, comme ils ont fait dans Rambo puis dans Balboa, puis ils mettent des t-shirts pour qu'on voit leur bédaine, là. Ou bien tu veux pas voir les trous des injections de Botox? Yeah, non, ça c'est dans la face, faudrait qu'ils se mettent un t-shirt dans la face. Moi, c'est pas pratique, ils voient beau ce qu'ils vont. Ah, je pense qu'on va finir ça là. Fait que, votre dernier mot sur Konami? Merci Konami pour ces bonnes années dans le temps du NES. Ouais, je suis d'accord. Konami, reviens Konami. Fais-moi un genre de méga grosse compilation de 250 jeux classiques. Avec et là, il y a au minimum deux acheteurs, Arcade Retro et Antithèse. Oui. Moi aussi, j'aimerais ça l'avoir, ça. Bon, ouais, trois. Moi, je veux Suikoden 6. Oui, moi aussi. Moi, je veux Gradius 5000. T'as compris, Konami, vu que t'écoutes le podcast, hein? 4 copies. 4. Moi, je veux Sunset Rider 2. Mais il y en a un, c'est oh. Mystic Warriors. Ah oui, c'est vrai. Avec les ninjas. Ah, honnête. Mais c'est pas des cowboys, c'est des ninjas, mais c'est pareil. Ouais, mais c'est pareil. Des pirates, c'est awesome, là. C'est pas des pirates, c'est des ninjas. Ouais, mais je veux voir des ninjas frapper sur des pirates. Ninja pirate. Everything is better with pirates. Ninja. Qu'est-ce qui est meilleur? Pirates of the Caribbean. Finalement, il faudrait qu'on sorte un podcast à un moment donné. Ça va être Ninja contre Pirates. Qui gagne? Oh my god, ce serait... Aucun, c'est samouraï. Voilà, le podcast est fait, fini. Aucun, c'est Captain Crunch, c'est évident. Ninja Turtle. Son coup des Turtles. Il bat un Captain Crunch, Yogg. Ils sont pas capables de nager dans le premier jeu, fait qu'il fuck off les Turtles. Non, Shredder, c'était le plus hot pour de vrai, man. Ouais, Shredder est mort. Le gars faisait sa voix. Ouais. Je sais. Mais c'est quand même mon préféré. Shredder va toujours avoir une petite place dans mon cœur. Petit sideway avant de partir. Avez-vous vu à quoi vont ressembler les tortues? Oui. Ben, c'est interesting. C'est pas si pire, là. Ouais, je suis pas trouvé ça si pire. Je vais voir l'histoire, comment ça va se passer. On verra, là. Puis le masque de Shredder est vraiment awesome. Ben, ils sont badass. C'est très greedy. C'est très sombre, réel, down to earth. Puis. S'il y avait à refaire un remake, c'est exactement ça le look que je voudrais qu'il y ait. Le reste, on ne sait pas encore. Là. Ouais, ça, on n'a même pas encore de bande-annonce. Là. On a juste vu une affiche avec les quatre tortues que je trouve étrange. Je ne sais pas, c'est parce que je suis daltonien, là, mais il me semble que le bandeau de Ralph, il n'est pas rouge. Là. Il a l'air d'un brun rouge. Il a l'air d'un genre style. C'est poche qu'il fasse des bons films, puis là, il se trompe pendant 4 films, puis là, hey, on retourne aux ressources, c'était bien meilleur. Puis on retourne aux sources. Ben, gadon, toi! Ben, il faudrait peut-être qu'il revienne avec Jim Henson qu'avec les popettes, tu sais. Dans le premier film. Il y a tant cri, Shredder. Mm. Joe, comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter sur le forum de la Cour des Accords des Jeux. On peut me contacter sur ma page Facebook de mon website, à l'entre du geek. Ou sur mon website du même nom, l'entredugeek.com. Je lis mes messages tous les jours, donc vous pouvez me contacter en tout temps à ces deux adresses-là. Arcade, comment on peut te contacter sur les internets? Oui, on peut me contacter sur les internets, sur la page Facebook d'Arcade Rétro, également sur le site d'Acro des Jeux, et sur mon profil, vous avez des liens pour, justement, si vous ne voulez pas vous tromper sur la page Facebook, tout est là, et sur les forums d'Acro des Jeux. En détail, comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par courriel à anthes@yahoo.ca ou gmail.com. On peut me suivre sur Twitter ainsi que miniaterie sur @antithèse16says. Envoyez-en des niaiseries. Lui, il adore les niaiseries. Mais bien sûr. Mais pour faire cliché, et je l'ai avec la famille, on peut me contacter très facilement, le plus facilement d'ailleurs, sur acrodesjeux.com/forum. Juste un gamer, comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par la page Facebook de Juste un gamer et aussi par la chaîne YouTube de Juste un gamer et aussi, n'oubliez pas, le forum d'acrodesjeux.com. Là, on peut discuter de choses super intéressantes. Toujours. Intéressantes. Vous pouvez parler de la communauté des... Juste un gamer avec un U. E-U-R. Pas un U. Juste un... Pas un gamer. Testeur alpha, comment on peut te contacter? De la même façon que toujours, c'est-à-dire sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ou la meilleure des façons demeure sur le site des Accros des Jeux. Je fais mon tour quotidiennement. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous avez d'abord le site internet des accros des jeux, accrosdesjeux.com. Vous avez également le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Vous pouvez également me contacter sur Twitter à commercial accros des jeux. Et il y a également le fameux courriel des accros des jeux, à commercial accros des jeux. Et j'ai quelqu'un qui m'a email. Yeah. Vous voulez savoir ce qui m'a contacté cette semaine? Hein? Oui. On y va. Alors, j'aimerais remercier Madame Beth A. Nissen qui dit « Mon testament de 10 millions de dollars. Ben oui. Contactez mon avocat au Zenith à commercial law firm à commercial à mail.com. » Oui, ça. Law firm. LOL. Merci de m'avoir offert 10 millions de dollars, Madame Beth. Et surtout, tu penses à m'offrir ton testament quand t'es morte et que tu m'écris ça. Étrangement, tu m'écris quand t'es morte. Écoute, je suis vraiment content que tu penses à moi. Elle envoie à plein de monde, c'est premier arrivé, premier servi. Ah ben oui. Fait que merci beaucoup de me l'offrir, mais non, je n'ai pas besoin d'argent. Je suis heureux comme je suis présentement. Tu me donneras l'adresse, Ben, je vais la prendre, moi. Pas de trouble, écoute, si tu veux avoir 10 millions de dollars, puis que tu donnes toutes tes informations personnelles, puis qu'elle mette une photo de toi, elle met une photo de pédophilie dans ton ordinateur, go for it. Je vais courir le risque. Merci. 10 millions de dollars qui n'existent pas. Au pire, tu vas être nourri, logé aux frais du gouvernement, et puis en plus, tu vas avoir du sexe gratuit. Oh! Ouais! Oh, pas sûr de la sexe! Ouais, par exemple. Comme François Pérusse disait, non, je vais te donner un petit brun pour rentrer là. Non, c'est parce que si vous rentrez là, vous allez vous faire rentrer dans le petit brun. Ok, puis je te donne deux petits bruns, puis tu me laisses jamais rentrer là. Jamais rentrer là, Chris. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Soyez présents la semaine prochaine. On va avoir un invité avec nous. On va jaser de Game Home. De jeux homebrew, des jeux qui sont créés par des fans et qui sont capables d'être joués sur plusieurs consoles. Fait que on va discuter de ça avec un gars qui crée des jeux homebrew. Ça va être très très intéressant. Soyez présents mardi prochain 20h, on va être présent live sur YouTube ou sinon vous pouvez également nous télécharger sur iTunes. C'était le Big Ben. Antithèse. Juste Gamer. Alpha. Arcade Rétro. Joe. Pour le podcast des accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.